Oui, allô? Allô, bonjour, c'est moi. Ouais, salut. Ça va? Eh, dis-moi, ça te dit d'aller boire des coups ce soir? Oh là là là là, non, non, non. Jamais d'alcool la veille d'un concert, l'ami. Ce soir, on va boire quelques bières? Non, non, non! Ah, puis d'accord, mais alors, parlons.